Un clown a traversé notre petite ville. Il avait l'air fragile comme une fleur des champs. Il est venu vers nous avec un air tranquille. Il avait derrière lui tous les petits enfants. Il avait les cheveux en paille de nos granges. Un gros nez rouge et rond comme un enfant rieur. Sa bouche souriait toujours un peu aux anges. Mais ses yeux étaient tristes à vous serrer le cœur. Un clown dans la rue, les enfants riaient. Un clown avançait sans musique, sans cirque. Un clown dans la rue, tenant dans sa main une fleur fanée. On a cru qu'il allait s'arrêter sur la place, raconter des histoires et demander des sous. Mais il a continué tout doucement sa marche et n'a pas répondu « Oh, mais d'où venez-vous ?» Quand il est arrivé au bout de notre ville, il a laissé la fleur tomber sur le pavé. Et c'est le lendemain quand sonnait midi pile, qu'au milieu de la place, un cirque est arrivé. Un cirque dans la rue, les enfants riaient. Un cirque s'installait, musique de cirque. Un cirque dans la rue n'avait plus pour nous amuser. Un clown